Page 43. Activité 4. Piste 35. Un escalier. Un gymnase. Une cantine. Une salle de classe. Des bandes dessinées. Des enfants.